Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Un numéro spécial d'Historia vient d'arriver dans les kiosques. Il est dédié à Rome et aux empereurs de la démesure. De quoi donner des idées à Franck Ferrand. Bonjour Franck. Des idées d'empire ou de démesure? Les deux, ah oui. Bien sûr. Bon, mais vous savez, par les temps qui courent, il faut faire attention à ce qu'on dit. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je sais que vous êtes nombreux à apprécier nos incursions régulières dans l'histoire antique. Une période immense, fondamentale et non le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'est guère présente sur les ondes. Nous recevons aujourd'hui le professeur Boriot de l'Université de Nantes pour évoquer quelques empereurs déréglés, à commencer par Caligula, dont je vais me faire un plaisir de vous brosser le portrait dans un instant. Dans la seconde partie de l'émission, Franck, à partir de 15h, l'affaire en mobile ne nous emmènera pas à Rome, non, mais ailleurs. Pas cette fois-ci, je vous propose en effet d'aller faire un tour du côté de Rouen, en Normandie, où l'on se mobilise en ce moment pour sauver le plus ancien monument juif de France, un monument qui remonte au début du XIIe siècle et qui porte un nom riche de promesses, la Maison Sublime. Là, vous m'intriguez. Hein. Eh ben oui, c'était un petit peu mon intention pour tout vous dire. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Rome, 24 janvier de l'an 41 après Jésus-Christ. Nous sommes dans la galerie d'un théâtre. Il est 1h de l'après-midi. Un homme de belle taille, la mine sombre, est en train de s'avancer. Un homme, il s'agit en fait de l'empereur Caligula, qui doit assister à un spectacle donné par des enfants appartenant aux meilleures familles de Grèce et d'Ionie. Deux officiers de la garde prétorienne accompagnent l'empereur. Il s'agit de le protéger, théoriquement. L'un des deux, Cassius Charea, demande à Caligula le mot d'ordre du jour. L'empereur répond « Jupiter ». Eh bien, Cassius hurle, reçoit donc une preuve de sa colère. Il sort un glaive, il frappe l'empereur au cou en criant « Imitez-moi !» Et à ce moment-là, d'autres soldats se ruent sur Caligula. Un des hommes transperce la poitrine de l'empereur avec sa longue épée. La victime s'écroule dans son sang. Les assassins vont par la suite s'acharner sur ce corps, le percer d'une trentaine de coups de poignard, d'épée, de lance, preuve de la haine et du mépris qui les anime. L'un d'eux va même tirer la toge impériale et sectionner le sexe du mort. D'autres soldats de la garde sont accourus. Ils tentent ce qu'ils peuvent contre les assassins, trop tard. D'ailleurs, certains vont être tués pour rien, car l'empereur Caligula, 28 ans, vient d'être assassiné après seulement 3 ans et 10 mois de règne. Un règne qui pourtant avait bien commencé et qui n'aurait jamais laissé présager à ses débuts une fin tellement tragique. Celui qui en vérité s'appelait Caius Augustus Germanicus est né en l'an 12. Il est le fils de Germanicus, un prestigieux général qui descendait de Jules César par les femmes. Germanicus, véritable idole des Romains en son temps. Sa mère, c'est Agrippine l'Ancienne, la petite fille de l'empereur Auguste, l'archétype en quelque sorte de la matrone romaine. Elle a mis au monde 9 enfants, dont 6 ont survécu. C'est une femme solide donc, énergique, et elle accompagne son époux à l'époque sur les terrains d'opération. Donc elle l'accompagne dans les camps militaires, et à 2 ans, Caius suit déjà ses parents dans différents campements des légions de Germanie. Ce qui fait de lui, évidemment, vous imaginez, ce petit bonhomme, pour les soldats, c'est une mascotte idéale. On va lui confectionner pour rire tout un petit uniforme de légionnaire avec des sandales militaires, des caligae, qui sont adaptées à ses petits pieds. Et c'est tellement charmant que les hommes de troupe, affectueusement, vont surnommer l'enfant Caligula, ce qui veut dire la mini Caliga, la petite sandale, si vous voulez. Tout ça est bien joli, seulement l'enfance de Caius va assez vite s'assombrir. À 7 ans, il perd son père. Germanicus meurt à Antioche. Est-ce qu'il a été empoisonné, Germanicus? Et qui plus est, sur ordre de l'empereur Tibère, qui vient de succéder au légendaire, au fondateur Auguste, c'est une possibilité. Tibère s'est toujours méfié de son successeur désigné. De là à faire empoisonner Germanicus, après tout. En tout cas, l'enfant est confié à sa mère, puis à son arrière-grand-mère Livie, la célèbre ex-impératrice. Et c'est dans le cadre fastueux des villas de Livie que va être élevé Caligula avec ses 3 petites sœurs, Agrippine la jeune, Drusilla et Julia Livia. À la mort de la vieille dame, les quatre enfants passent chez leur grand-mère Antonia. Certains chroniqueurs nous disent que Caligula est un enfant pour le moins précoce, assez peu gêné par les inhibitions ordinaires, puisqu'il aurait commencé à coucher avec une de ses petites sœurs, Drusilla. C'est la grand-mère qui les aurait surpris en posture délicate. Vous imaginez un peu le scandale. Scandale domestique, étouffé bien entendu. Caius est un adolescent difficile, volontiers pervers. Il est bientôt envoyé sur l'île de Capri. Vous allez me dire pourquoi Capri ? Mais parce que c'est le lieu paradisiaque où s'est retiré, depuis plusieurs années maintenant, le vieil empereur Tibère, qui n'aime pas Rome et qui s'en tient le plus possible éloigné. Le fils unique de Tibère étant mort, c'est Caius à qui doit revenir le trône impérial. Le jeune homme se montre extrêmement aimable avec son protecteur, avec celui qui devrait devenir son devancier, mielleux même et servile à l'égard du vieil empereur et de ses courtisans. Sa complaisance pour Tibère, écrit Suétone, et pour ceux qui l'entouraient, était telle que l'on a dit de lui avec raison qu'il n'y avait point eu de meilleur valet ni de plus méchant maître. Et voici donc qu'en mars 37, Tibère vient à mourir, Caligula donc lui succède et il devient à 24 ans le troisième empereur romain. Un bien bel empereur, disons-le tout de suite, puisque Caligula est devenu beau garçon, il mêle un fond de virilité à beaucoup de raffinement, tout en se passionnant pour les combats de gladiateurs. On le voit aussi participer à des concours de danse, de chant, un pur produit de cette culture romaine que nous appelons nous décadente. Or, Caius est aussi, je devrais dire d'abord, un excellent orateur. Et ce n'est pas étonnant qu'il ait été accueilli chaleureusement par les Romains, qu'il l'acclame hein, littéralement lorsqu'il arrive à Rome pour son entrée triomphale. On acclame ce jeune maître, on le surnomme affectueusement, il sera leur astre, leur petit poulet, leur poupon, leur nourrisson à tous ces Romains. C'est l'état de grâce, que voulez-vous, Caligula comble de largesse le peuple et l'armée, il organise des fêtes somptueuses, il supprime un certain nombre d'impôts, gracie des condamnés du règne de Tibère par centaines. Bref, sa popularité est très grande, elle atteint des sommets. Vous savez ce qu'il en est des états de grâce, ils sont rarement faits pour durer, et au bout de quelques mois, le jeune empereur va tomber gravement malade. Il va lui falloir un mois entier pour s'en remettre. Alors, on ne sait pas exactement de quoi il est tombé malade, on ne sait pas la nature de cette maladie. Est-ce qu'il s'agit d'un empoisonnement de plus, dans un environnement qui, vous l'aurez compris, était coutumier du fait, ou est-ce qu'il s'agit d'une affection naturelle ? En tout cas, une fois rétabli, Caligula va frapper tous ceux qu'il voit par un stupéfiant changement physique. Le petit empereur adorable est devenu un homme sombre, assez laid, prématurément vieilli. Dans La mort des Césars, Joël Schmitt écrit « Il a de longues jambes maigres et sans muscles, le cou long et marqué de fanons et de rides, le teint d'une pâleur morbide. Ses yeux sont comme enfoncés dans leurs orbites, son front est large, mais ses tempes creuses, ce qui lui donne un air inquiétant, et son crâne maintenant chauve contraste avec un corps tout velu. » Ah ben dites-moi, quel portrait. Changement total de personnalité. Alors, ça c'est le physique qui a changé, mais ce qu'il faut vous dire, hélas, c'est qu'au moral, les conséquences de la mystérieuse maladie du jeune empereur vont se révéler calamiteuses. Un extrait de la bande originale du film Gladiator, le film de Ridley Scott avec, entre autres, Russell Crowe. Dans un instant, Franck Ferrand continue de vous parler du parcours de Caligula et de cette personnalité plutôt forte. La suite, c'est dans un instant sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Et cet après-midi, Franck, vous nous racontez le règne et l'assassinat de l'empereur romain Caligula. Nous sommes donc au 1er siècle après Jésus-Christ, plus précisément donc en 37. Alors vous le savez, je suis très cartésienne et j'aimerais quand même savoir sur quelle source s'appuie-t-on pour évoquer le règne de Caligula ? Ah, eh bien, là, vous mettez exactement le doigt sur les limites de l'histoire ancienne, chère Anissa. Je poserai la question à Jean-Yves Borio tout à l'heure. Ai-je besoin de vous dire que les archives pour des temps aussi reculés font cruellement défaut ? Certes, il y a toutes les inscriptions officielles, c'est maigre. La vérité, c'est que pour vous raconter ce que je suis en train de dire, je suis obligé de m'en remettre à l'historien Suétone et à son très célèbre ouvrage « La vie des 12 Césars ». Seulement, il faut être honnête. D'abord, cet ouvrage a été rédigé entre 119 et 122, c'est-à-dire 80 ans après la mort de Caligula. Et autre problème, Suétone s'intéresse principalement aux vices, aux travers, aux turpitudes des premiers Césars. On est en droit de penser qu'à propos de Caligula, il a sans doute pas mal forcé le trait. Vous allez voir ce que ça donne dans un instant. Alors, sur ce règne, nous disposons tout de même d'autres sources, notamment des annales de Tacite, de l'histoire romaine de Dion Cassius. Seulement là, nous sommes carrément en présence de récits encore plus tardifs que celui de Suétone. Donc, méfiance. Vous êtes bien consciente qu'il y avait un très grand nombre de documents d'histoire qui ont disparu, tout simplement. On ne possède, nous avions fait une émission là-dessus il y a quelques temps, on ne possède qu'entre 4 et 5 % de la littérature antique. Donc vous imaginez, c'est un tout petit morceau, c'est un fragment de ce qui existait que nous avons réussi à retrouver. Ce qui paraît tout de même certain, c'est qu'après sa maladie, Caligula ait commencé à manifester des signes inquiétants, comment dire, de déséquilibre. D'abord, il est totalement insomniaque. On ne le voit jamais dormir plus de 3 heures d'affilée. Alors, pourquoi pas? Mais ça rend toujours, ça rend les choses un peu inquiétantes, ça. Qu'est-ce que vous voulez? On le voit errer de longues heures pendant des nuits entières, invoquant la venue du jour. Il invite la lune à venir pour lui recevoir des baisers dans sa couche, partager sa couche. Enfin bon. On raconte que lors des banquets, Caligula avale d'énormes perles dissoutes dans du vinaigre. Ça nous rappelle Cléopâtre, dont nous parlions tout à l'heure. Ainsi que des aliments qu'il fait couvrir d'une fine couche d'or. Vous savez, bon, enfin ça c'est le raffinement romain, vous me direz jusque-là, pourquoi pas. L'or, néanmoins, est une obsession chez Caligula. Il fait remplir, dit-on, des pièces entières, une salle du palais qu'il fait remplir de pièces d'or, et il arpente pieds nus la pièce pendant des heures. Durant 3 jours, il jette des poignées de pièces d'or à la foule depuis le sommet d'une basilique. L'empereur porte également des robes de soie quasiment transparentes, donc vous imaginez un peu le tableau, qui sont brodées d'or et de perles. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne manque pas d'idées farfelues. Il projette, par exemple, d'aller construire au sommet des Alpes une ville entière, de percer aussi un canal dans l'isthme de Corinthe. Et pourquoi pas, n'est-ce pas? On a vu ce que ça pouvait donner, après tout. Il est assez visionnaire, d'une certaine manière, ce Caligula. Il a l'intention aussi de faire surélever un certain nombre de plaines pour faciliter l'accès à certains cols. Bref, on le voit par exemple, il veut traverser la baie de Naples à cheval. Alors on lui explique que ça va être extrêmement difficile, mais qu'importe. On réquisitionne tous les bateaux de commerce disponibles, des centaines de bateaux que l'on fait installer côte à côte, vous savez, arrimés les uns aux autres. Ça fait une sorte de pont flottant qu'on couvre de terre pour permettre à l'empereur d'arpenter la baie de Naples pendant 2 jours. Il va et vient à cheval sur sa route improvisée, il est très content. Et lorsque, au moment de la conquête de la Bretagne, l'actuelle Grande-Bretagne, Caligula va faire sonner le rassemblement un matin, comme s'il allait donner l'assaut, vous savez. Alors vous imaginez les légionnaires qui se préparent, etc. Et là, on leur donne l'ordre suivant. Ramassez des coquillages et remplissez-en vos casques. Nous devons rapporter au Capitole et au Palatin ces dépouilles de l'océan. Je n'ose même pas imaginer la tête des légionnaires. Bref, peu à peu, Caligula perd toute crédibilité. Il devient la risée de ses armées, ce qui est toujours très grave, mais du peuple aussi. Il se prend pour un dieu, ce qu'il a encore dans les pratiques de l'Empire romain naissant n'a rien de si étonnant. Il veut qu'on le divinise. Il importe par exemple de Grèce un certain nombre de statues des plus grandes divinités, et alors on remplace la tête des statues par la sienne. Il veut être une sorte de dieu vivant, et d'ailleurs en public, il adopte les attributs propres à chaque dieu, le caducée de Mercure, la couronne d'Apollon, selon les circonstances et selon l'humeur du jour. J'allais dire selon l'humeur de l'heure, parce qu'il n'y a pas une humeur par jour chez Caligula, il y en a 30. On le voit transformer le temple de Castor et Pollux à Rome, merveilleux petit temple, en un oratoire à sa gloire. Une statue en or du dieu empereur est même dressée, revêtue chaque jour d'un costume qui est exactement semblable à celui que porte l'empereur. Vous voyez un peu. Sa passion pour l'Orient en général, et tout particulièrement pour la civilisation égyptienne, va prendre des proportions extravagantes. Alors si vous avez entendu l'autre jour l'émission que nous avons consacrée à Octavie, et d'une manière générale à la grande réforme du règne d'Auguste, vous voyez à quel point c'est un virage complet. C'est-à-dire qu'après l'espèce de pureté romaine du règne d'Auguste, on en revient à ce qui était en quelque sorte l'idéal d'Antoine, hein, c'est-à-dire à ce monde égyptien. Il va transformer la res publica romaine en monarchie à l'orientale, dit-on dans les rangs du Sénat, où quand même les pitreries de l'empereur commencent à agacer pas mal de monde. On le voit introduire la pratique de la prosternation. Vous imaginez comme les empereurs sont ravis de venir lui baiser les pieds. Sa vie personnelle d'ailleurs est tout aussi extravagante. Souvenez-vous que dans son adolescence, il avait déjà eu des comportements un peu bizarres. Et bien après la mort de sa première épouse, on le voit assister aux noces de Pison et de Livia Orestilla. Il trouve la fiancée à son goût, eh bien, il s'empare d'elle en pleine cérémonie, il force Pison à lui céder son épouse, et puis au bout de quelques jours, eh bien, il la répudie. Quelques mois plus tard, il enlève à son mari une belle femme, Lollia Paulina, qu'il prend là encore pour femme et qu'il renvoie comme une malheureuse. Après quoi, Caligula va s'en prendre à Caesonia Milona, une femme plus âgée que lui, déjà mère de 3 filles, connue pour ses mœurs légères. Il l'enlève à son mari. Bon, vous me direz, c'est devenu presque une habitude. Il l'épouse et va naître de leur union une fille, Julia Drusilla, et Suétone dit qu'elle serait née le jour du mariage de ses parents, vous voyez un peu. Caligula a sans doute également eu des liaisons incestueuses avec ses 3 sœurs, ça ne vous surprendra même plus maintenant, également des relations avec son beau-frère, sans oublier toutes sortes de liaisons avec toutes sortes de prostituées EES ou ES, peu importe. Il se rend parfois dans des maisons closes, déguisé en femme, il met une perruque, porte des vêtements très amples, très transparents, je vous l'ai dit. Bref, il faut admettre qu'il y a maintenant à la tête de l'Empire romain un véritable dingue. Cet après-midi, Franck Ferrand vous parle de Caligula et de sa personnalité hors norme, c'est le moins qu'on puisse dire. Et cet après-midi, nous allons également faire le point sur ces empereurs fous. Alors n'hésitez pas à réagir à cette émission, à poser vos questions à Franck Ferrand et ses invités. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter avec le hashtag ACDH et sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Et puis de 15h à 15h30, tout autre chose, nous irons nous balader à Rouen, si vous habitez la région. N'hésitez pas à venir nous parler de votre ville sur les réseaux sociaux. Franck Ferrand revient dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et pour cette émission consacrée aux empereurs fous, vous avez décidé, Franck Ferrand, de nous parler de Caligula, ce mégalomane égocentrique, cet homme fou, on peut résumer ça comme ça. Hein. Oui, enfin, fou, je ne sais pas, mais très particulier, c'est le moins qu'on puisse dire, très sadique. Mmh. Il n'aime rien tant qu'humilier son entourage et ses cibles favorites sont les puissants, les aristocrates, les chevaliers, les sénateurs, tous les patriciens, si vous voulez, hein, les membres de l'ordre équestre. Catherine Salle, dans l'article qu'elle consacre à Caligula dans le numéro spécial d'Historia qui nous intéresse, nous dit « Lors de ses promenades, il oblige des sénateurs à courir près de sa voiture. » Imaginez les gros sénateurs en train de courir. L'image est assez drôle. « Voir ces vénérables messieurs empêtrés dans leur toge, dans la poussière, le fait mourir de rire. D'honorables citoyens sont enfermés dans des cages où ils doivent se tenir à 4 pattes comme des bêtes. Une nuit, 3 anciens consuls sont convoqués au Palatin. Tout tremblant, les 3 vieillards doivent monter sur une estrade et soudain, au son d'une musique tonitruante, Caligula, vêtu d'une robe transparente, se met à danser et demande à ses 3 autres ce qu'ils pensent de ce nouveau pas de danse qu'il a inventé. » Vous voyez un peu. Alors on connaît bien sûr l'anecdote de la nomination de son cheval préféré, Incitatus, au rang de consul, manière d'insulter publiquement les magistrats romains. Pour humilier les sénateurs, ajoute Catherine Salle, il invente une distraction érotique de fort mauvais goût. Lors des banquets officiels, il fait défiler devant lui les femmes de la noblesse venues avec leurs maris, les examine longuement à la manière d'un marchand d'esclaves, puis pendant le repas, sort de la salle avec celle qui lui a plu. Il revient ensuite avec la malheureuse élue et devant le mari consterné, nez mais muet, loue ou critique ouvertement, point par point, ce qu'il a trouvé d'agréable ou de déplaisant dans le physique de la dame, avant de décerner une note à sa façon de faire l'amour. Il va jusqu'à installer un lupanar dans son palais, hein, dans lequel les passes, dit-on, coûtent très cher. Dans les banquets, Caligula s'en donne à cœur joie pour humilier son entourage. Un jour, il rit, alors les consuls qui sont à côté de lui lui demandent ce qu'il fait rire, et il répond « Oh, c'est que je pense que sur un simple coup de tête, je peux vous faire égorger tous les deux à l'instant ». Vous imaginez quand même que tout ça commence à inquiéter les gens. Ils se lèvent parfois la nuit pour aller dans les souterrains du palais assister aux tortures et aux exécutions des prisonniers, raconte Joël Schmitt. Ah, comme il aime entendre leurs hurlements, leurs râles et voir leurs visages blêmir sous la mort. Entre parenthèses, ça me fait rire de voir ce genre de notation tirée on ne sait d'où, puisqu'encore une fois, on a très peu de sources. Bref, il est arrivé, nous dit-on, que Caligula oblige des sénateurs à percer de leur poinçon un de leurs collègues, à l'étriper. Ensuite, on fait traîner les entrailles et les membres du malheureux par les rues de Rome. Et pendant plusieurs jours, on le voit faire battre avec des chaînes un intendant des jeux. Si, par exemple, il trouve un repas trop long, il lui est arrivé d'envoyer chercher dans les cachots des condamnés à mort et de les faire décapiter. Ça pimente un peu le repas, si vous voulez. Bref. La situation devient intenable. Dites-vous que sur un plan financier, les caisses sont complètement vides. L'empereur a tout dépensé pour bâtir des demeures somptueuses, pour fabriquer des galères qui sont de véritables palais flottants avec des portiques, des thermes, des jardins flottants. Caligula a même mis en vente une partie du patrimoine national pour financer tout ça. Le peuple est accablé d'impôts et de taxes et un peu plus de 3 ans et demi après son avènement, on peut dire de Caligula qu'il s'est mis tout le monde à dos. On ne l'appelle plus maintenant que la chèvre. C'est fini le petit poulet, hein, on en est loin là, maintenant. En janvier 41, Caligula avant d'un complot, il fait ordonner quelques exécutions pour l'occasion. Un astrologue lui annonce une mort prochaine et violente, mais lui est convaincu d'être immortel. Le voici dormant dans la nuit du 23 au 4 janvier dans la chambre impériale où il fait allumer une lampe à huile, nous dit Joël Schmitt. Il rêve alors qu'il se trouve au ciel, à côté du trône de Jupiter, et que ce dieu, le poussant de l'orteil du pied droit, le lance sur la terre. Il se réveille furieux et maudit ce dieu qui ose le dominer. Ça, ce n'était qu'un rêve. Un rêve sans doute prémonitoire pour le tyran barbare, puisqu'il n'a plus désormais que quelques heures à vivre. Bonjour Jean-Yves Borioux, merci beaucoup d'être avec nous. J'ai énormément de questions à vous poser aujourd'hui. Très bien. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, à l'occasion de la sortie du numéro spécial d'Historia qui vient d'arriver dans les kiosques, vous avez décidé, Franck, de nous parler de ces empereurs fous, avec notamment l'histoire de Caligula que vous venez de nous raconter. Et votre invité cet après-midi, c'est Jean-Yves Borioux, historien, professeur émérite à l'université de Nantes. Tibère, Caligula, Néron, Domitien et la Gabale étaient-ils insatiables, incestueux, mégalos et cruels, comme c'est dit sur la couverture de ce numéro spécial d'Historia qui s'appelle donc Rome, les empereurs de la démesure. Il y a une part évidente d'exagération dans tout ça. Enfin, ça paraît évident, Jean-Yves Borioux. Bien entendu, bien entendu. Il s'agit en fait de constructions rhétoriques. Il ne faut pas oublier que dans l'Antiquité grecque et latine, l'histoire relevait justement de ce genre-là. C'est une partie de la rhétorique. Alors, quand on examine les vies de Suétone... Alors, la rhétorique, c'est l'art oratoire destiné à convaincre. Voilà, convaincre. Parmi les chapitres de la rhétorique, parmi les armes à la disposition de l'orateur, il y a l'histoire. C'est comme l'histoire. Ça qu'on conçoit l'histoire à Rome. Absolument. Voilà. Au milieu du discours, vous devez obligatoirement placer des exemplars. Ben, voilà, des exactement. Exemples. Mmh. Et là, avec Suétone, nous avons des exemples construits. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, ces exemples, finalement, se recoupent. Hein. Ce qu'on trouve pour Caligula, on le trouve aussi pour Néron, on le trouve, vous l'avez vu il y a quelque temps, pour Commode. Hein. Il s'agit de topoi, de lieu commun, obligé. Comme si l'imagination de nos auteurs faisait parfois défaut et qu'ils étaient obligés de trouver aux uns et aux autres les mêmes défauts, d'une certaine manière. Alors, ça va être extrêmement difficile d'effectuer un départ entre ce qui est incontestable et ce qui relève de la fantasmagorie, disons. Bon. Néanmoins, on doit pouvoir dire, il n'y a pas de fumée sans feu, si je puis dire, on doit pouvoir dire que ce jeune empereur Caligula était assez déréglé. Ça a laissé quelques traces, ça, alors, tout de même. Si l'on en croit, Suétone et Dion Cassius... Alors là, il était même carrément fou. Carrément. Mais justement, il faut faire faire très très attention. Il y a un fond, c'est absolument certain, il y a un fond de dérèglement psychologique. D'ailleurs, dans les années 60-70, ici en France, beaucoup de psychologues et de psychiatres se sont intéressés au cas. Et on peut encore trouver des articles consacrés au cas Caligula. Alors, c'est-à-dire au cas quasiment clinique. Carrément clinique, oui, bien entendu. Alors, le problème que se posent ces psychologues, ces psychiatres, c'est celui de l'épilepsie. Quand il était tout jeune, il a eu des crises d'épilepsie. Et le problème que posent les psychiatres est le suivant. Est-ce que cette épilepsie infantile, si je puis dire, a pu avoir des répercussions sur son comportement d'adulte? Alors, adulte avec des guillemets, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est mort à 28 ans. Je rassure tous nos très nombreux auditeurs épileptiques, on peut avoir on peut être atteint d'épilepsie sans pour autant en série. Ah oui, oui. Le grand Jules César lui-même était épileptique. Hein. Voilà. Et alors, si bien que, comme effectivement, il n'y a pas de répercussions en principe sur la vie de l'adulte, les psychiatres, les psychologues ont cherché ce que pouvait être cette maladie de Caligula. Alors on a parlé de cataplexie, je cite, de pycnolepsie, etc. Et on a parlé de l'amoralisme du psychopathe. Et en fait, en gros, les psychiatres sont d'accord sur un point, c'est quelqu'un qui souffre d'incontinence affective, je cite. Voilà. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas véritablement de surmoi. Lorsqu'il a envie de tuer, eh bien, il tue. Comme un enfant exécute immédiatement ce dont il a envie. Il faut reconnaître qu'il s'est retrouvé très jeune, doté de pouvoirs infinis. Ah oui. Et donc, ça doit être assez perturbant pour un psychisme un peu délicat ou un peu fragile comme le sien, que de savoir que, quelle que soit la sentence qu'il prononce, elle va être exécutée. Ça doit donner une sorte de vertige. C'est passionnant pour les auteurs. Ça, d'ailleurs, certains vont s'en emparer, bien entendu. Hein. Bien entendu. Et il ne faut pas oublier que Camus fait dire à Caligula, c'est drôle, quand je ne tue pas, je me sens seul. Oh, c'est incroyable. Incroyable. Alors, si on veut expliquer les choses, non pas les comprendre, mais les expliquer, je crois qu'il faut revenir quand même sur un épisode dont vous avez parlé, c'est-à-dire ce stage obligé à Capri, auprès d'un empereur qui est complètement paranoïaque. Il n'est pas tendre, c'est le moins qu'on puisse dire. Il ne faut pas oublier que Tibère, lorsqu'il convoque des devins dans son palais de Capri, eh bien, le devin qui vient de lui parler de son avenir, ce devin doit rentrer en passant par une passerelle au-dessus d'un ravin, et en général, eh bien, cette passerelle, on l'a fait pivoter, et le devin se trouve précipité dans la mer. Pour ne pas qu'il puisse aller raconter ce qu'il avait dit à l'empereur. Et selon la légende, il n'y en a qu'un qui s'en serait tiré, évidemment, puisque après à la fin de leur entretien, Tibère aurait dit au devin en question, « Bon, écoute, prévois toi-même ton avenir immédiat. » Et là, comme le devin est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, voyant ce qui risquait de lui arriver, eh bien, Tibère l'aurait sauvé et serait gracié, le seul. Voilà, l'aurait gracié, d'autant que ça aurait été peut-être un de ses maîtres, enfin, peu importe. Donc, gamin qui se retrouve là, qui sait qu'il est le successeur désigné de Tibère, qui doit ramper littéralement devant Tibère, n'est pas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas aidé. On ne va pas le préparer à régner. Voilà, c'est ça le point important. Ces gens qui arrivent très jeunes au pouvoir, Commode à 19 ans, Néron à 17 ans, ne parlons pas d'Elagabal à 15 ans, ce sont des gens qui arrivent au pouvoir. C'est des ados qui arrivent au pouvoir. Et voilà, ados, pré-ados. Et on leur donne un pouvoir immense, absolument. En fait. C'est ça qui est incroyable. Et il n'y a pas de contre-pouvoir, parce que le Sénat, depuis longtemps, est muselé. Et vous avez parlé de la haine et du mépris de Caligula à l'égard du Sénat, mais c'est tout à fait fondé, effectivement. Et il va constamment humilier ces sénateurs. Vous avez évoqué plusieurs épisodes qui vont dans ce sens-là. Les sénateurs, en fait, ne peuvent plus jouer leur rôle de contre-pouvoir. C'est ces gens de la classe sénatoriale qui sont de grands propriétaires terriens, qui ont eu longtemps le pouvoir sous la, entre guillemets, république, la libera civitas. Mm-hmm. Eh bien maintenant, ils n'ont plus aucun rôle politique. Alors ça, là, nous abordons l'histoire au sens propre. Nous quittons la petite histoire et l'anecdote de Suétone pour entrer dans la grande histoire incontestable. On peut dire de Caligula, que pour des raisons qui nous échappent peut-être aujourd'hui, en tout cas, il a de plein fouet heurté l'autorité de l'ordre patricien. Et donc ça, il s'est mis à dos toutes les plus grandes familles de Rome. Oui. Il ne pouvait pas survivre à une chose pareille. Non. Il a régné 3 ans. Mais ces trois années ont été des années de combat entre ces sénateurs qui sont toujours autour de lui. Et ça, Camus le montre bien dans sa pièce. Ces sénateurs sont toujours là, ils font partie de sa cour. Et ces gens-là, pour fluidifier, si je puis dire, la vie politique de Rome à ce moment-là, n'ont qu'une solution, le meurtre. Hein. Il ne peut pas y avoir de démission d'un empereur. Non, il n'y a que cela. Alors, évidemment, on en arrive comme ça à cette... On voit toute la haine de Caligula à l'égard des sénateurs, mais elle est parfaitement partagée. Hein. On a fait... une étude très intéressante il y a quelques années démontrant que, en tout cas dans les meurtres imputés à Caligula, ne figurent que de hautes personnalités. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne tue jamais de gens du peuple quand même. C'est ça qui est très intéressant. Il ne tue que des sénateurs ou de grands des consuls, des gens importants. Donc en quelque sorte, il a déclaré la guerre aux élites, si je puis dire. C'est tout à fait de saison, ça, ce qu'on est en train de raconter. Absolument. Et il faut bien voir que tout cela se passe sur un espace extrêmement restreint. Le Palatin, c'est petit. Hein. Et là, il faut imaginer tous ces gens, toutes ces factions qui se heurtent. Il y a la faction impériale, il y a la faction d'une ancienne épouse, il y a les sénateurs qui sont là constamment, et tout ça en lieu clos. Hein, c'est un huis clos permanent, et les meurtriers côtoient tous les jours leurs futures victimes. C'est absolument terrible. C'est-à-dire que l'or, la soie, le marbre sont omniprésents, mais le sang l'est aussi. Le sang, effectivement. Et l'or dont vous avez parlé tout à l'heure, cet or est omniprésent. La Horis Graphames, la fin sacrée de l'or. Oui, oui, oui. Et d'autant que vous avez évoqué ce goût de Caligula pour l'Égypte. Vous avez évoqué cette égyptomanie qui est en vogue donc à Rome. Ça va très loin parce que pour les Égyptiens, l'or, c'est la chair des dieux. Alors quand Caligula va piétiner ainsi l'or, il s'imprègne, en quelque sorte, il a le sentiment de s'imprégner de cette chair divine. Alors vous voyez que ça aussi, c'est encore quelque chose qui relève d'un dérèglement. Hein. Cette dimension religieuse est capitale. Capital. Elle explique peut-être le personnage mieux que toutes les autres. Oui, nous allons y venir dans un instant. Au cœur de l'histoire, sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Une émission passionnante cet après-midi consacrée à Caligula et les empereurs fous. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est sur Twitter. Vous êtes nombreux à trouver cette émission passionnante, comme Philippe qui vient d'écrire passionnant ce hashtag ACDH aujourd'hui. Continuez à nous parler, à poser vos questions sur Twitter et sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Et ces empereurs fous, on les découvre mieux avec votre invité Jean-Yves Boriot, qui est historien et professeur émérite à l'Université de Nantes. On va parler de la dimension religieuse, militaire aussi. C'est là qu'il faut revenir à ce qu'on appelle l'historiographie, c'est-à-dire la manière d'écrire l'histoire, et revenir donc à Suétone. Quel intérêt Suétone pouvait-il avoir à noircir ainsi la figure des 12 premiers Césars ? Eh bien, ça fait partie de la damnatio memoriae, hein, qui est infligée par les historiens qui ont... La damnation de mémoire, si on peut dire. Condamnation de mémoire. Condamnation à l'oubli, hein, de ces Julio-Claudien, qui sont honnis par Tacite, par les grands historiens du parti sénatorial ou du parti équestre, qui se vengent a posteriori. Hein. Il ne faut pas oublier la phrase de Chateaubriand, c'est en vain que Néron prospère, Tacite est déjà né dans l'Empire. Hein. Autrement dit, la vengeance s'organise effectivement a posteriori contre ces empereurs Julio-Claudien. Et avec un point très important, on néglige totalement, comme vous l'avez dit, la dimension militaire de leur règne. Et là, il y a cette caricature qui nous est imposée par Suétone à propos de l'expédition avortée d'Idil. En Bretagne. C'est ça. Parce qu'il nous décrit... Donc en Angleterre. En Angleterre, voilà. Il nous décrit les armées de Caligula en formation sur la côte, les balistes, les catapultes, tout ça s'est installé et tout. Bon. Et puis tout d'un coup, on décide que ça y est, c'est fini et tout le monde s'en va. Mais dans toutes les armées du monde, ça porte un nom, ça s'appelle des manœuvres, ça. Hein, bien entendu. Alors, oui, donc tout est ainsi. C'est-à-dire qu'on tire, on tourne à la dérision des choses qui, par ailleurs, peuvent être parfaitement normales, fait. Oui. Et de quelques anecdotes qui ont dû être glanées ici et là, parce qu'il est évident que Suétone travaille à partir d'un matériau et d'archives. Hein, les archives étaient très importantes. On va essayer de tourner les choses pour les porter à... en quelque sorte pour assombrir l'image de l'empereur et d'une façon plus générale de tous ces Césars, tous ces Julio-Claudiens, en fait, tous ces premiers-là. Il y a eu, après la fin donc, des Julio-Claudiens, toute une entreprise de dénigrement, et cette entreprise de dénigrement s'accompagne évidemment de facto d'une entreprise de promotion des empereurs suivants. On dit du mal de Caligula, on dit du bien de facto d'Adrien. Bien sûr. Donc tout cela... Donc des Antonins. Il y a quand même un Antonin Commode, si je ne m'abuse, auquel vous avez d'ailleurs consacré un article dans ce numéro spécial d'Historia, qui n'est pas très présentable. On va y venir, vous voulez, tout à l'heure. Un mot sur l'organisation générale de l'Empire qui, et c'est tout le paradoxe de cette période, on a l'impression que Rome continue d'aller très bien. C'est-à-dire que c'est complètement déréglé au sommet dans les allées des palais impériaux, mais l'Empire lui-même est à son apogée à ce moment-là. Comment expliquer cette dichotomie, ce paradoxe? Alors là, effectivement, l'administration de l'Empire, elle est au plus haut sommet réalisée par des fonctionnaires, de très hauts fonctionnaires. Qui ont tout à fait la tête sur les épaules. Qui sont en général des affranchis, donc qui dépendent directement... Des esclaves affranchis, qui ont suivi, eux, des cours dans une école qui se trouve d'ailleurs sur le Palatin, qui forment les à libelli, etc., les hauts secrétaires qui font qui rédigent toute la correspondance de l'empereur, qui s'occupent des affaires économiques. Il y a également sur place un personnel administratif de qualité dans les provinces. Et tout ça, ma foi, fonctionne comme cela peut. Alors, le point quand même important, c'est, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est l'argent, c'est la monnaie qu'il faut de temps en temps dévaluer parce que tout ça, ça coûte très cher. Et on va arriver, vous parliez de Commode tout à l'heure, on va arriver à un moment de l'Empire où 90% du budget impérial est consacré à l'armée. Alors, évidemment, là, les choses se passeront moins bien. Tout le système ne tient plus que dans une sorte de course à l'armement à la tenue armée d'un certain nombre de provinces. Alors, nous avons parlé l'autre jour avec Daniel Porte à propos de la figure idéale, en quelque sorte, d'Octavie. Et nous parlions aussi, bien sûr, de l'empereur Auguste, de son frère. Nous avons parlé de ce retour à la pureté romaine, d'une certaine manière, face à un Antoine qui, lui, s'était laissé séduire par les sirènes égyptiennes et orientales. On a un peu l'impression que toute une série d'empereurs, à commencer par Caligula, ont de nouveau cédé à ces sirènes. Effectivement, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que le courant d'égyptomanie, qui était déjà amorcé depuis un bon moment, il se déploie. Auguste, en fait, c'était une réaction. Il a essayé d'arrêter, en quelque sorte, le temps et de le relancer. Bien entendu, nous connaissons tous cette histoire. Le temps de Rome recommence avec moi, dit Auguste. Et puis, c'est l'âge d'or. Goût pour les choses orientales, il était déjà là bien en place. Et là, maintenant, il n'y a plus de frein. Il n'y a plus de frein. Et la divinisation de la figure impériale appartient directement à cette tendance. Bien entendu. Strictement, comment voulez-vous qu'un Romain accepte que son empereur qu'il a pu croiser dans les rues devienne tout d'un coup un dieu. C'est aberrant. Alors que, en Orient, eh bien, ma foi, ça fait partie des manières de penser. Alors, on pense surtout à l'Égypte. Alors là, il faut faire très attention parce que est-ce que à Rome on y a cru vraiment? Est-ce que il faut dire quand même que des religions comme celle d'Isis, celle de Mithra se développent très largement parce qu'elles offrent maintenant aux Romains autre chose comme espoir que la religion civique traditionnelle qui franchement entre nous n'est pas très gaie. Ne vous promet pas quand même un avenir qui chante après la mort. Alors que il y a une espèce d'espoir de salut avec Isis. Il y a sans doute une simplification de la croyance par rapport à l'infinie complexité de la belle mais complexe religion romaine. Nous allons venir dans un instant à la fin de Caligula, et puis en profiter pour évoquer un certain nombre des autres empereurs déréglés de Rome. Ils constituent le tissu littéralement de ce numéro spécial d'Historia, avec toutes les illustrations qu'on peut imaginer et que nous fournit notamment un 19e siècle que tout cela a beaucoup fait rêver. Un roman, vous voyez le lapsus, c'est un numéro qu'il est très agréable de feuilleter, avec des illustrations étonnantes, avec aussi une espèce de fantasmagorie qui nous en dit presque autant sur notre époque et notre civilisation que sur Rome et sur les Romains. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur de l'histoire des empereurs et des empereurs fous cet après-midi à l'occasion de la sortie d'un numéro spécial d'Historia qui vient tout juste d'arriver dans vos kiosques. Il faut absolument vous le procurer. Il est consacré à ces empereurs fous et on en parle avec votre invité, Franck Jean-Yves Boriot, qui est historien et professeur émérite à l'Université de Nantes. Alors justement, nous étions en train de parler de ça hors antenne. C'est Kamel de Lyon, enseignant et fidèle auditeur, qui nous parle d'un épisode, semble-t-il, tiré de Dion Cassius. On est au moment de la fête des Gaules à Lyon et on dit que Caligula aurait fait exécuter le roi berbère de Maurétanie, Ptolémée II. On est en l'an 40 pour une histoire de couleur pourpre de sa toge, couleur réservée aux empereurs. Vous dites que ça fait partie des légendes colportées par Dion Cassius. Effectivement, c'est une légende sur laquelle on est très, très... Évidemment, par définition, pour une légende, il s'agit d'un épisode légendaire sur lequel on est très peu et très mal documenté. Ah oui, bien sûr. Alors, il y aurait... comment, d'ailleurs, quand même... J'ai raconté la mort sanglante et, entre nous soit dit, assez propre de Caligula. On aurait pu imaginer qu'il meure dans des circonstances beaucoup plus saumâtres, étant donné ce qu'il avait fait subir à tant et tant de personnes. Mais est-ce que l'on en sait davantage sur l'organisation de la conjuration? Qui l'a menée? Qui l'a conduit à la mort au bout de 3 ans et 10 mois de règne seulement? Alors, il s'agit d'une conjuration qui, si j'ose dire, remonte loin. C'est-à-dire que le parti sénatorial et le parti équestre se sont ligués pour en arriver là. Il n'y avait plus d'autre solution que d'éliminer Caligula. Alors donc, on a confié à Quirea, comme vous l'avez dit, le soin de tuer l'empereur. Et en fait, c'est ce récit de Suétone, il est complété par d'autres récits et qui vont dans le même sens, même si certains éléments ne concordent pas. Mais ce qu'il y a de terrible dans cette affaire, c'est que tout nous est raconté comme s'il s'agissait d'un sacrifice. Et tout le rite est là. Vous savez que le sacrifice se fait en deux temps. Il y a un coup pour assommer, un coup pour tuer. On a ça en deux temps, chaque fois, avec des paroles rituelles. Et après, il y a un épisode que vous n'avez pas, par souci de décence, cité. C'est un épisode selon lequel il y aurait eu des rites d'homophagie. Oui, c'est ça. On aurait mangé de la chair de Caligula. Et vous voyez, on a tout ce qui est sacrificiel dans cette histoire-là. Il s'agit de montrer que Caligula est une bête et qu'on le traite comme tel. Je disais propre, finalement, c'est peut-être pas le mot qui convient. Pas si propre que ça. Alors, vous évoquez dans ce numéro spécial d'Historia toutes sortes de personnalités. La sœur de Caligula, d'ailleurs, épouse de Claude, Agrippine la Jeune, à ne pas confondre avec l'autre, la matrone Agrippine, bien entendu, qui, elle, est une sorte de monstre d'ambition. Vous parlez de Néron, sur lequel nous ne reviendrons pas aujourd'hui, puisque on a eu l'occasion d'en parler déjà énormément. Évidemment, les Julio-Claudiens ne sont pas les seuls visés, puisque chez les Flaviens, il est question également de Domitien, dont la réputation est déplorable en Occident pour des raisons évidentes, puisqu'il est le grand persécuteur des chrétiens, ce Domitien, bien entendu. Personnage très intéressant, qui avait choisi un peu comme modèle une chevalerie de l'époque, si je puis dire, qui est la gladiature, un peu comme votre commode. Oui. Alors ça, c'est un point important, effectivement. La gladiature, il ne faut pas se la représenter comme une classe reluisante. Les gladiateurs sont parmi les gens les plus déclassés de toute la société romaine. Il n'y a plus rien au-dessous. Lorsque un de vos esclaves commet une faute grave, eh bien, vous pouvez le vendre comme gladiateur. En général, il ne fait pas une carrière très, très, très longue. Non, mais les gladiateurs sont des gens totalement méprisés et méprisables. Alors justement, quand on veut montrer que Domitien et Commode sont de mauvais empereurs, eh bien, on met en valeur les relations qu'ils entretiennent avec le monde de la gladiature. Et le plus terrible, c'est Commode. Commode était véritablement à l'aise, vous avez dû l'évoquer, au milieu des gladiateurs. Les siens, on pourrait presque dire. C'était les siens, effectivement. Ça, ouais. Oui. Alors, on pourrait parler, enfin non, on ne pourra pas parce qu'on n'a pas le temps, de Caracalla, d'Elagabal ou Héliogabal, du fait de son culte, qu'il rendait au soleil. J'aimerais que nous nous attardions sur un personnage totalement inattendu et qui clôt ce numéro spécial d'Historia. Je vous avoue que ça m'a au début un peu étonné. En fait, c'est très intéressant. L'article, c'est vous qui le signez, Jean-Yves Boriot. Le dernier empereur, et l'empereur en question, c'est Mussolini, nous dites-vous. Oui, effectivement. disons que Mussolini a ressuscité l'idée d'empire et en même temps, il l'a tué. En effet, l'ambition, l'une des ambitions de Mussolini, c'est de rendre au peuple italien son éclat d'autrefois. Alors, il va se situer lui-même dans la grande lignée des empereurs, et son empereur de référence, ça va être Auguste. C'est pour cela qu'il va célébrer l'anniversaire d'Auguste avec toute une série de cérémonies. On célèbre l'anniversaire d'Horace, l'anniversaire de Virgile. Il fait construire par un archéologue architecte Gismondi la fameuse maquette que l'on trouve dans le quartier de Léour et qui figure sur je ne sais combien de premières pages d'ouvrages de latin ou d'histoire. Et il va remodeler Rome pour essayer de mettre en valeur la Rome impériale. Et justement, il va dégager ce qu'il va appeler la Via dei Fori Imperiali, la rue des Fora Imperiaux et la Via dei Triomphi pour permettre les grands triomphes de l'époque contemporaine qui vont prendre la suite de ces grands triomphes supposés en Afrique. Merci beaucoup Jean-Yves Borio. Vous avez donc largement contribué avec Catherine Salle, avec quelques autres, à ce numéro spécial d'Historien intitulé « Rome, les empereurs de la démesure ». Vous avez publié l'année dernière, il faudra qu'on en parle, un Machiavel chez Perrin et est en préparation, il va sortir incessamment un ouvrage sur les Borgia, sous-titré « La pourpre et le sang ». Au cœur de l'histoire, sur Europe 1. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Et jusqu'à 15h30 sur Europe 1, nous sommes à Rouen. Grâce à vous, Franck, et grâce à la Ferrand Mobile qui nous a emmenés à Rouen, nous allons découvrir un monument hébraïque. Vous allez nous en dire plus dans un instant et vous allez surtout cet après-midi faire appel à la générosité des auditeurs d'Europe 1. Et oui, nous avons un peu oublié cette dimension-là de la dernière demi-heure de Cœur de l'Histoire, mais j'aimerais bien qu'on la remette en vigueur, car ça me paraît intéressant que nous puissions nous mobiliser de temps en temps pour aider un certain nombre de volontaires, de bénévoles ou pas d'ailleurs, mais de gens qui contribuent à faire rayonner notre patrimoine. Alors l'histoire d'aujourd'hui commence il y a 40 ans, c'était en 1976, au moment où l'on remanie de fond en comble le célèbre palais de justice de Rouen. Je dis célèbre parce que par ailleurs, il est enluminé, si je puis dire, ornementé d'une manière tout à fait extraordinaire. On fait de nouveaux travaux pour ce palais de justice, donc 76, et sous la cour du palais, on découvre un monument, enfin une architecture qui ressemble à une architecture romane d'une certaine manière. Ça mesure 14,10 m de long sur 9,50 m de large. Vous voyez qu'on a affaire à une petite crypte d'une certaine manière. Or, ce monument, Judith Schlanger, ce monument est un monument hébraïque. On en a tout de suite conscience au moment de la découverte en 1976 ? Oui, comme chaque découverte fortuite, effectivement, il faut d'abord examiner le monument. Alors, à quoi on a affaire, bien sûr. Exactement. Donc, effectivement, les ouvriers étonnés, une pelleteuse tombe sous les dallages de la cour de palais de justice, un morceau du mur est découvert. Les ouvriers étonnés voient effectivement un objet. Les archéologues arrivent. Une fouille de sauvetage s'engage. Malheureusement, comme d'habitude dans ces circonstances, et en plus, avant la création de l'Institut des recherches archéologiques préventives, oui, INRAP, en 2001, la fouille est faite un tout petit peu, peut-être trop rapidement, peut-être il y a encore des choses à faire. Elle est quand même faite par des archéologues professionnels, mais il y a encore des choses à faire. Il y a des contraintes de temps, il y a des contraintes de lieu. Il ne faut pas oublier que nous sommes quand même dans la cour du palais de justice, où il y a quand même les affaires quotidiennes il ne faut pas les entraver, qui sont en train de se faire. Donc assez rapidement, on se rend compte effectivement du caractère juif du bâtiment. Pourquoi ? Pour deux raisons. Tout d'abord, personne n'ignorait que le palais de justice, dont la construction a commencé en 1499... Oui, juste au tournant du XVIe siècle. Tournant au XVIe siècle, donc fin du Moyen-Âge vraiment, a été construit sur l'ancien emplacement du quartier juif médiéval. Il y a eu quand même beaucoup de temps qui s'est écoulé depuis la disparition des juifs, donc l'expulsion des juifs 1306. Et Et donc, mais les bâtiments sont restés. Les bâtiments... En 1500, lorsqu'on construit ce nouveau palais de justice, on arase en quelque sorte cour à son niveau actuel, quasiment à son niveau actuel. Et donc, on a supprimé ce qui devait être les étages de la construction dont nous parlons, dont on n'a plus en quelque sorte que la cave. Exactement. Mais pourquoi le quartier juif ? Parce que dans le mur, sur les murs de cette cave, on a découvert des graffitis en langue et caractère hébraïque. Donc une découverte rarissime qui nous place immédiatement non seulement dans les contextes de l'ancien quartier juif, mais aussi vraiment d'un objet matériel, un des plus rares de l'histoire médiévale juive en France. Effectivement, c'est le plus vieux monument juif de France. Oui, il s'agit effectivement du plus ancien monument juif médiéval de France, et non seulement le plus ancien, mais aussi absolument unique, par ses inscriptions, justement. Alors, ces inscriptions devraient nous renseigner sur la destination de cet édifice. Qu'est-ce que c'était que cet édifice ? Eh bien, comme très souvent, c'est le début de la polémique. On est en France, faut pas oublier quand même. Et alors, chacun va apporter son argument en faveur de thèses différentes. Il y a plusieurs versions possibles. Exact. Donc, en France, mais la dispute, les polémiques ont été... Voilà, c'est devenu une polémique internationale tout à fait. Donc, tout d'abord, il faut dire que les inscriptions ne sont pas des inscriptions monumentales. Il s'agit des graffitis, donc de petites notes personnelles, parfois les noms des personnes, un verset tiré du livre des rois, de la Bible, que cette maison soit sublime pour l'éternité, donc un verset biblique, d'où son nom, et de l'association qui a été créée pour justement mettre en valeur et sauvegarder ce patrimoine juif essentiel. Et donc effectivement, les théories sont multiples. Et juste avant la découverte, vraiment une chance extraordinaire, juste un hasard. Juste avant la découverte du bâtiment, Norman Golb, qui est professeur à l'Université de Chicago, publie en hébreu, en Israël, un livre consacré à l'histoire médiévale de la communauté de Rouen, où il parle notamment de l'existence d'une académie, une académie talmudique, qui est connue dans les sources. L'académie talmudique, cela veut dire des maîtres entourés de disciples. Au moment de la découverte, Norman Golb se trouve à Paris, tout à fait par hasard. Il arrive à Rouen et il dit « Je n'ai même pas besoin de voir le bâtiment. C'est le bâtiment ou l'école dont je parle. » Bon, les étudiants étaient là. Ils apprenaient dans cette école. Bon, il y a effectivement, tout allait dans ce sens. Il a même vu que dans le mur est de ce sous-basement, parce que nous ne sommes pas vraiment dans le bâtiment, il devait avoir 3 étages. Nous sommes vraiment au niveau de la cave, de sous-basement, qui était quand même accessible par une belle porte de l'extérieur directement de la rue. Donc les bâtiments avaient quand même un accès tout à fait public, peut-être un rôle assez public, donc du moins un magasin. Mais voilà, donc il parle de l'académie, il dit voilà, il y a probablement des étudiants qui vivaient aux étages. Au-dessus, et là, nous avons des trous dans le mur est. Il y avait probablement des étagères qui étaient accrochées à ces murs est pour mettre des livres. Bon, moi personnellement, en bon paléographe spécialiste des manuscrits hébreux, je doute beaucoup que les livres, l'objet le plus précieux de la culture matérielle, étaient posés sur les étagères dans un endroit où l'aération s'est faite juste par 4 petites meurtrières du côté nord et où il y a quand même l'accès direct de la rue. Les livres étaient quand même précieux et protégés à cette époque. Donc il y a des doutes. Il n'y avait pas de livres d'imprimerie. Il ne faut pas oublier quand on parle de livres, on parle de livres manuscrits. Effectivement, ça prend du temps et ça coûte très très cher à l'époque médiévale, et ils sont irremplaçables, ils sont uniques. Donc, c'est la première question. La deuxième question, effectivement, nous n'avons pas vraiment, dans la tradition juive médiévale, des exemples des bâtiments, académies, universités juives. Il s'agissait surtout des maisons privées, ou bien de l'enseignement. Ça pourrait être une maison privée aussi. Ça pourrait être une maison privée, effectivement, ou bien on faisait de l'enseignement dans la synagogue. D'où ce rôle double de la synagogue. Alors, est-ce que ça pourrait être une synagogue Donc, Bernard Blumenkranz, qui était le fondateur de l'équipe La Nouvelle Galia Judaïca au CNRS, est arrivé sur le site en disant, au cours des travaux archéologiques, en disant « c'est une synagogue de la communauté de Rouen, vous allez voir, quand le mur est sera dégagé, nous allons découvrir l'arche, donc l'armoire sainte, où on met des livres, sur le mur est bien sûr ». Bah, malheureusement, elle n'a pas été découverte. Et en plus, il y a un petit problème. Il ne faut pas oublier, nous sommes dans la cave. Selon la loi rabbinique, on n'organise pas une synagogue En sous-sol, au moment où il y a d'autres activités qui se passent sur les étages supérieurs. En plus, les synagogues en Europe sont en principe orientées, c'est-à-dire les murs est tournés vers Jérusalem, là où il y a les rouleaux de la Torah, et l'entrée juste en face, du côté ouest. La porte, qui est d'ailleurs très belle, la porte avec des colonnes, avec les sous-bases décorées, avec un lion, avec un dragon ou un serpent, cette porte donnait sur l'ouest, donc ça ne correspond pas non plus à une synagogue. Les archéologues, pour leur part, disent, voilà, du point de vue archéologique, la structure elle-même, l'architecture, n'indique absolument pas un emploi cultuel spécifique. Ça pourrait être une maison d'un riche marchand, ça pourrait être une maison d'études, pourquoi pas, dans une maison d'un marchand. Donc effectivement, il y a plusieurs possibilités et pour le moment, jusqu'à la nouvelle fouille archéologique, nous n'allons pas pouvoir résoudre cette question. Si je puis dire, et pour conclure ce passionnant développement, bref, ça n'en reste pas moins le plus ancien monument juif de France. Europe 1, au cœur de l'histoire. .com. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au clocher de Rouen, tout en dimanche, 7h sonnait. Le jour sort de la nuit, le port est sans bruit, dimanche est au lit. Le soleil frappe au relais, derrière les rideaux. L'odeur du café au lait dort sur le réchaud. Au clocher de Rouen par Hugo Frey, que l'on salue cet après-midi, car nous sommes à Rouen jusqu'à 15h30 et nous découvrons Rouen, la ville aux 100 clochers. Aux 100 clochers, c'est mais vrai. Mais aussi à la Maison Sublime. La Maison Sublime qui a été découverte à Rouen en 1976 et que l'on découvre, c'est le monument juif, le plus ancien monument juif de France. Et nous le découvrons avec Judith Changler, qui est directeur d'études à l'École pratique des hautes études et spécialiste des manuscrits hébreux et judéo-arabes. Un monument qui nous ramène très loin au début du XIIe siècle. Donc c'est vraiment un très vieux monument juif. Rappelez-nous, pour ceux qui arriveraient en cours, à quoi il ressemble. Vous savez, nous sommes à la radio, il faut que nos auditeurs puissent visualiser la chose. C'était du bâtiment, il s'agit d'une salle basse, dont les dimensions sont à peu près 9,5 mètres sur 14 mètres. Les murs qui subsistent en 4 mètres de hauteur. Et l'épaisseur des murs est énorme, c'est 1,60 m. Il s'agit vraiment d'un édifice de style roman, normand, très proche du style de Saint-Georges de Boucherville, qui se trouve juste à côté de Rouen. Donc effectivement, nous sommes exactement dans la même époque. Zone, la même époque, donc vers... Avec peut-être des constructeurs qui ont pu aller de l'un à l'autre. Exact, vers 1100, et peut-être il s'agit du même atelier. Mm-hmm. Donc on parle du même atelier, effectivement. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, une maison en pierre, une pierre de Caumont, d'ailleurs, oui. Donc voilà, c'est quand même assez unique, rare, oui, c'est rare. Sûr. Dans les quartiers juifs, l'ancien quartier juif... C'est sans juif, doute encore plus rare, oui. Non, au contraire, ah, oui. Les archéologues ont découvert d'autres maisons. D'autres Il y a maisons eu une fouille pierre, en oui. 1982, juste en face de la Maison Sublime, où des restes, des vestiges d'une autre maison en pierre ont été découverts, à peu près des dimensions comparables. Donc voilà, donc les maisons en pierre étaient fréquentes dans les quartiers juifs, mais pas tout à fait dans le reste de la ville. On parle quand même de villes médiévales, surtout Rouen, aussi les villes anglaises, parce qu'il y a bien sûr ce lien, jusqu'à 1204, c'est le même pays. Et l'Angleterre, il ne faut pas oublier que bien sûr, on a parlé de la conquête normande l'autre exact, jour, bah donc oui. On est autant en Angleterre qu'en France, si je puis exactement. Dire, on est même plus en Angleterre on à l'époque. On est jusqu'à 1204, nous sommes en Angleterre, jusqu'à ce que Jean sans terre perde d'ailleurs, la Normandie. Il y a des juifs rouennais qui vont essaimer en Angleterre. Hein. Voilà, le début de la communauté de Londres, et ensuite des autres communautés juives anglaises, est clairement la conquête de Guillaume le Conquérant. Nous sommes en 1066, et les juifs rouennais en particulier arrivent en Angleterre. Oui. Je continue ? Oui, je vous en prie. Je voulais juste poser la question à Jean-Yves Borriot, qui est toujours avec nous. Vous aviez entendu parler de cette maison sublime de Rouen ? Ah oui, d'ailleurs très content d'entendre tout ce que j'entends depuis un petit moment. Oui, j'en avais entendu parler à travers plusieurs articles de revues spécialisées d'archéologie, notamment. Voilà, c'est ça. Oui. C'est absolument passionnant. Hein. Je crois qu'un certain nombre de nos auditeurs sont ravis qu'on en parle. C'est vrai qu'on n'en parle pas très souvent. Oui. Rouen était, et c'est un des enseignements de cette découverte archéologique de 1976, même si on en avait par ailleurs quelques autres approches, Rouen était un véritable centre d'études hébraïques, il faut le dire, au Moyen-Âge. Absolument. Donc même s'il subsiste un doute au sujet de l'académie dans le bâtiment, il y a eu une académie très importante, un centre d'études extrêmement important à Rouen, qui a effectivement essaimé non seulement dans les autres endroits en France, mais aussi en Angleterre. Donc les rabbins célébrissimes, il s'agit surtout de Rashbam, c'est un acronyme de Rabbi Samuel Ben, fils de Meir, qui était le petit-fils de Rashi de Troyes, les grands commentateurs, les fondateurs de l'école des commentateurs de la Bible et du Talmud de Babylonie, de Champagne. Donc son petit-fils, ses deux petits-fils aussi, Rabbi Jacob Ben Meir, qui s'appelait aussi Rabben Outam, se sont installés à Rouen et ont réussi à avoir autour d'eux tout un groupe d'élèves. Ils ont aussi accueilli, très important, à Rouen, à partir de 1153 à peu près, pour à peu près 10 ans, le plus grand polymathe espagnol, né à Tudèle, qui s'est échappé probablement, qui a émigré de l'Espagne pendant la persécution des Almohades dans les années 40 du XIIe siècle, Avraham Ibn Ezra. Il arrive à Rouen, il y passe 10 ans, il passe aussi à Londres, certains disent même qu'il est mort à Londres. Le Rouen au Moyen-Âge est la deuxième ville de France et la première ville intellectuelle. On a complètement oublié ça. Aujourd'hui, Rouen est devenu une grande et belle ville, mais parmi d'autres, à l'époque, c'était la deuxième grande ville de France. Bien sûr, donc c'est pas un hasard. Carrefour, tout à fait, un carrefour économique, intellectuel, tout à fait comme Paris. Alors, je dis de France, à partir de 1204, évidemment, nous entendons. Alors, ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est que la maison sublime de Rouen est fermée depuis 2001, qu'elle subit les attaques du temps, de l'humidité, des bactéries, des champignons, de tout ce qu'on peut imaginer, et qu'il a fallu la constitution en 2007 d'une association pour essayer de la remettre en état. C'est la raison de votre présence parmi nous cet après-midi, Judith Langer. Je vais vous demander dans un instant de faire un véritable appel au peuple. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi sur Europe 1, nous découvrons la maison sublime qui a elle-même été découverte à Rouen en 1976. Cela fait 40 ans, sous la cour du palais de justice. Si vous habitez Rouen, vous avez forcément entendu parler du plus ancien monument juif de France. Et nous le découvrons, ce monument, avec Judith Schlanger, qui est directeur d'études à l'école pratique des hautes études et spécialiste des manuscrits hébreux et judéo-arabes, Franck. Vous appartenez évidemment, vous, à l'association, j'imagine, à cette association oui, de la maison sublime créée en 2007. Avec quel objectif ? Quels sont vos buts immédiats ? L'objectif est très simple. Donc, tout d'abord, j'étais absolument ravie de pouvoir faire partie de cette association qui est présidée aujourd'hui par Jean-Robert Ragache, avec Jean-Sylvain Klein et avec Henri Descans. Donc, des personnes extrêmement actives, des historiens bénévoles, dont le but est tout simplement la sauvegarde du monument et aussi l'accès du public. Donc l'association gère les visites. Malheureusement, donc après la fouille archéologique terminée en 76, le bâtiment a été recouvert d'une dalle. Une crypte a été créée, mais il y a effectivement des problèmes d'humidité, le problème d'accès, le problème de sécurité qui font qu'il y a... Actuellement, ça ne se visite pas si nos auditeurs veulent la voir, cette maison sublime. Ça se visite, mais très difficilement. Il faut prendre un rendez-vous à l'avance et il y a deux groupes de 18 personnes qui peuvent accéder par semaine. Donc effectivement, la demande est beaucoup plus grande. Et on pourrait mener des travaux d'assainissement Donc les travaux d'assainissement sont tout à fait prévus. Et justement, c'est absolument extraordinaire. Tout le monde est d'accord, aussi bien la cour d'appel de Rouen, le ministère de la Justice, l'association, la Maison Sublime, donc l'acteur important, et surtout la Fondation du Patrimoine, qui travaille, qui œuvre en ce moment ensemble pour recueillir des fonds, avoir tous les permis possibles pour pouvoir entreprendre effectivement les travaux d'assainissement et d'accessibilité. Donc il faut absolument que les bâtiments soient plus accessibles. Il s'agit quand même non seulement de l'histoire juive, mais aussi de l'histoire de la ville de Rouen et de la France médiévale en général. Bien sûr. Alors on pourrait imaginer même une mise en valeur de tout ça. Une mise en lumière, c'est prévu aussi, ça, vous avez c'est dit. Également, c'est prévu. Mais donc, tout est prévu, en fait. Tout est prévu. Les projets sont multiples. Donc, j'encourage beaucoup ceux qui nous écoutent comment à contribuer à ces magnifiques projets. Si on veut faire un don, si on veut participer, comment fait-on ? Et donc, on va sur les sites de la Fondation du Patrimoine. Je pense que quelque part, j'ai les coordonnées, donc vous pouvez vous connecter à www.fondation-patrimoine.org. Fondation-patrimoine.org. J'en profite d'ailleurs pour lancer un autre appel, parce que pour tout vous dire, j'ai honte. Nous avons, il y a longtemps, c'était au début, tout début du mois de janvier, nous avions lancé un appel en faveur de la maison de Pierre Loti à Rochefort-sur-Mer. Vous savez, un endroit tout à fait merveilleux, sur lequel je ne vais pas revenir aujourd'hui, mais qui est fermé depuis 2012, qui a besoin du concours de tous ceux qui pourraient aider, non seulement du concours financier, mais aussi du concours d'expertise ou même des aides en nature de la part de charpentiers, de la part de spécialistes de textile dont vous avez expliqué tout ça. Eh bien, je dois vous avouer que c'est un chou blanc total. On ne peut pas dire que nos auditeurs soient beaucoup mobilisés pour la maison de Pierre Loti à Rochefort-sur-Mer. C'est dommage, parce qu'il faut vraiment aider Rochefort-sur-Mer. Je vous rappelle le numéro du secrétariat des musées nationaux de Rochefort. C'est le 0546, donc ça c'est le 0546, on voit qu'on est en Charente-Maritime. Oui. 82 91 70, 0546 82 91 70. Aidez la maison de Pierre Loti à Rochefort, ce qui ne vous empêche pas d'aider l'association de la Maison Sublime à Rouen en allant sur le site de la Fondation du Patrimoine. Merci beaucoup Judith Langlaire, ça fait très, très plaisir de voir des gens motivés qui font vivre notre patrimoine et qui essaient à travers des découvertes comme celle qui a été effectuée il y a une quarantaine d'années, non seulement de comprendre les choses, mais de les faire partager. Je pense que c'est ça aussi le patrimoine. Cette demi-heure que nous faisons chaque jour, elle sert aussi à ça, vous faire comprendre que le patrimoine, il appartient, comme son nom l'indique, à tout le monde et qu'il doit être partagé. Merci beaucoup.